It's part of the air vampire. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. On connaît ton CV, t'enchaînes tous les mecs. Chérie, au compteur, t'as v'là les kilomètres. T'as du vécu et tout le monde le sait sur le net. Le pire dans tout ça, c'est que tu finiras pas ta vie toute. C'est mort si c'est moi que t'as dans le viseur. Oh nanana, je vais pas toucher ton corps. Mais lâche pas aux hommes qui te consomment. Oh nanana, tu n'es pas intéressé par les sommes. Ce qui te motive, c'est d'avoir tous les hommes. Ton atout, ton physique, car tu sais que t'es bonne. Mais personne veut te marier et toi ça t'étonne. Ouh, et on connaît tout son CV. Ouh, et on connaît tout son CV. Mademoiselle pense que je fais crari, alors qu'on sait tous qu'elle est connue dans tout Paris. Tu pourras jamais être ma chérie, je préfère canner que de te laisser niquer ma vie. Je préfère surveiller mes arrières, c'est vrai que t'as un gros derrière. Mais on connaît ton CV. La muse veut sauter les barrières, aller sur la banquette arrière. Mais elle veut me faire un mépris. Tu n'es pas intéressé par les sommes. Ce qui te motive, c'est d'avoir tous les hommes. Ton atout, ton physique, car tu sais que t'es bonne. Mais personne veut te marier et toi ça t'étonne. Ouh, et on connaît tout son CV. Ouh, et on connaît tout son CV. Ouh, et on connaît tout son CV. Ton CV. Fais pas là, ça te touche, non, non, non, non. On connaît tous ton CV. Bref, j'ai avec qui tu couches, ouais, ouais. Ils pensent pas que je vais céder. Et tous mes potes connaissent ton zebla. Et tous les autres, ils ont ta CV. Partout, y'a ton cas vu sur Insta. Y'a personne pour t'aider. Tu n'es pas intéressé par les sommes. Ce qui te motive, c'est d'avoir tous les hommes. Ton atout, ton physique, car tu sais que t'es bonne. Mais personne veut te marier et toi ça t'étonne. Ouh, et on connaît tout son CV.